Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Le mois de mai est décrété le mois de l'arbre et de la forêt. Il est important de souligner la contribution de la forêt à notre activité économique et de tout ce qu'elle apporte à nos communautés. La forêt, c'est des milliers de travailleurs qui chaque jour gagnent leur vie. C'est aussi la villégiature, l'environnement et le milieu de vie d'une multitude d'espèces. Il faut souligner les contributions de tous et chacun dans les efforts de développement durable et de conservation. Ça a été également le temps de confronter des prises de position négatives et mensongères de certains groupes d'activistes environnementaux sur nos modèles de gestion qui, selon eux, détruisent nos forêts. Je souhaite que tous les bénéficiaires touchés par cette ressource continuent leurs efforts, leurs discussions, leurs réflexions dans un esprit de développement durable qui permettront à nos générations futures de pouvoir profiter pleinement de nos belles forêts en santé. Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qu'hier, à peu près une dizaine d'adeptes du vélo se sont rendus sur la pointe des Pères pour participer au Tour du Silence qui était sous la présidence d'honneur de Stéphane Leroyer. Évidemment, la température peu clémente a fait en sorte qu'il y a eu aussi peu de participants. Dolbeau-Mistassini était la seule au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui participait à ce tour. Il y avait plusieurs villes en Amérique du Nord qui avaient demandé aux gens de participer à cet événement. Maintenant, on va parler du côté, hier dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec l'instructeur chef des aigles de Robertval, Simon Gaudreau. Simon Gaudreau qui a donné son premier précamp des aigles au centre sportif Marianne-Saint-Gelin. Et s'est dit quand même content de sa première pratique. On va l'écouter là-dessus. Dans tout ça? Ben, c'est embêtant, on n'avait pas fixé d'objectif. C'est sûr et certain que le but premier était d'avoir des équipes sur la garde. Donc, on a un camp très compétitif présentement. Il y a des jeunes qui sont encore dans des camps d'entraînement dans le 3A et dans d'autres endroits. Donc, c'est sûr qu'on attend des nouvelles là, des différentes équipes et des différentes coupures. C'était évidemment la première phase. Il y aura une autre phase au mois d'août, explique l'instructeur Simon Gaudreau. C'est sur deux phases. On vit la première phase. Ce qui est important pour nous, c'est que nos activités des aigles débutent. Mm. Maintenant, on existe, on est sur la glace. Nos instructeurs sont sur la glace. On interagit avec les jeunes. Là, on peut dire qu'on est présentement lancé. Donc ça, c'était l'objectif numéro un. Il va y avoir la deuxième phase au mois d'août, où on va amener les joueurs à cette phase-là. C'est sûr qu'en cadet et en juvénile, c'est des calibres de mise en échec, donc il va y avoir la formation mise en échec plus au mois d'août. Tandis que pour les précaires là, qu'on fait cette semaine, on pouvait pas faire on n'avait pas assez de temps pour faire les cliniques de. Les ondes de CKJ, Yannick Jean a voulu parler évidemment de son nouveau contrat avec les Saguenayens. C'est que rappelons que la semaine dernière, Yannick Jean a signé un contrat de 3 ans. Avec les SAGS. Et dans un premier temps, il mentionne que c'est les deux parties qui sont venues d'un commun accord pour commencer les négociations. Ils sont déjà faits par rapport aux entraîneurs adjoints, sauf que c'est pas tout finalisé. On va faire les annonces là, en temps et lieu pour tout le département là, hockey par rapport là, aux entraîneurs adjoints. Donc, il y en a qui sont déjà réglés, mais je veux pas aller là, au-devant des. Et les gens du club de golf de Chibougamau désirent avertir la population que les membres et les non-membres qui vont ouvrir leurs portes demain. Donc, sûrement que par la suite, le tournoi d'ouverture va suivre par la suite. Et hier, c'était le gala méritance hier du sport étudiant au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y a un élève de Dolbeau-Mistassini de l'école secondaire des Chutes qui a remporté une honneur. Il s'agit de Coralie Potvin. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec plusieurs intervenants, dont Joe Hardy. On parle de la Ligue nationale de hockey. Également, je vous présente l'entrevue que Yannick Jean a fait sur les ondes de CKJ pour parler de son nouveau contrat. Et vous pouvez entendre Simon Gaudreau qui nous parle du camp d'entraînement des Aigles de Robertval et également du tournoi à bout de souffle qui sera présenté au centre sportif Marianne-Saint-Gelais à compter de ce soir. Le sport local et régional, adnradiosport.com. On s'en occupe.